estás conmigo o contra mí. Prolique ni mille, donne Seigneur. Dígame. Mon cœur se bat contre l'homme et son massacre, la femme et son ambassade lorsqu'elle goûte au coup de batte. Pas besoin de vous dire qu'ici tout va mal, regarde un peu dehors l'état du monde. Oui, le globe est bien opaque, ça passe du coq à l'âne, de la naissance au meurtre. Je compte ta race, ah tu me manques, mon cœur ça flirte avec l'anatomie. Dur de dire que certaines femmes ont bien plus gros que Sifredi. Du botox à la vasectomie, du père au pédophile, du gros salaire au SMIC, de la pavelle à la bombe atomique. Pire, voilà comment la vie nous gâte. Elles sont des chattes, deviennent des chiennes, accro à la sucette. Chacun sa vie, chacun sa voix. Êtes-vous avec ou contre moi? Mais dites-moi pourquoi. Je me sens pas bien, ne me demande pas pourquoi. Dans ce monde c'est la merde, les gens ne sont même plus courtois. Et pourtant tu dis pas égoïsme, c'est que pour toi. On marche tous ensemble, tu veux gagner alors tu cours toi. Ici je comprends rien alors j'écris des textes. On méprise les gosses comme moi parce qu'ils sont issus des tests. Je connais pas ma direction alors je frappe un tout droit. Je regarde pas où je vais, puis tant pis si on me fout droit. Je me fous de toi et de savoir ce que tu penses. Je fais du son pour moi, m'en bats les couilles de la concurrence. J'écris un 16 et je trouve que c'est pas assez. Je pense pas changer le monde et ni rien faire effacer. J'ai grandi dans la merde mais c'est vrai qu'à 10 fois pire. J'ai pas trop à me plaindre car je veux bâtir mon empire. Allez basta, je vais m'arrêter ici. Juste pour dire que pas tout le monde peut avoir la villa et la piscine. Si chacun sa vie, chacun sa voix. Êtes-vous avec ou contre moi? Mais dites-moi pourquoi. Est-ce que tu vois, quoi moi, que la misère est aveugle? Mais donne, tu sais qu'est-ce que tu veux faire dans ce monde, y'a que des grandes gueules. Les femmes sont veuves et les corses n'ont plus de père, en manque de repères. On nous oblige même à tuer nos frères. Nos cœurs en l'air baissent. Rien que ça parle de pèse, de bête et de chaîne et de rêve. Comme dans un manège, mais comment vivre libre dans le rythme de la musique? De toute façon c'est la merde dans le disque. Si chacun sa vie, chacun sa voix. Êtes-vous avec chacun